L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Le changement de paradigme. La science, c'est comprendre la nature et la vie. Cette recherche infinie permet d'élaborer des changements de paradigme. Le changement de paradigme du nucléaire est enfin initié au XXIe siècle par la Chine et la Russie. Lorsque le changement de paradigme n'est pas encore engagé, on parle alors de potentiel densité démographique relatif, c'est-à-dire de la possibilité pour la population de croître et se multiplier d'une certaine manière. Dans les faits, il existe toujours un potentiel de densité démographique relatif. Autrement dit, l'humain a la capacité à croître et à se multiplier indéfiniment sur Terre puis dans l'univers. Pour changer de paradigme, il faut que 5% de la population milite pour ce changement. Il s'agit pour ces personnes de comprendre que la créativité de l'humain permet une énergie sans limite afin de développer chacun. Il s'agit de comprendre l'infini de la vie. Il est donc primordial de convaincre les autres afin de changer de paradigme. Dans le cas contraire, on peut parler de l'URSS qui a implosé sur Gorbatchev et de l'hyperinflation en Occident. Pour comprendre la notion d'infini, il y a la création d'un polygone dans un cercle qui reflète une notion d'infinité de polygone pour atteindre le cercle. Nicolas de Cuse, dans sa Docte Ignorance, nous parle de cette notion d'infini et du minimum-maximum. Cette notion d'infini fut améliorée par Kepler, Leibniz, Gauss, Riemann, Larouche. Larouche explique par ailleurs l'évolution de la science des auteurs précédents. Lecture de la Docte Ignorance. Mes notes. Qui milite pour le développement? Ceci est une recherche de vérité. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.